Grammaire. Les verbes en « ir » et les verbes en « dre »,« tre ». Page 47. Écoutez et observez ces verbes.